358e chapitre. Le lac des esclaves. L'aéros se comportait assez bien, mais comme le froid était très vif dans les régions où il évoluait, il arrivait parfois que le carburateur gelait. Il fallait le réchauffer au moyen d'étoffes brûlantes, et cette besogne n'était pas des plus aisées. Les aviateurs eurent tout à coup un moment d'indicible émotion. Le moteur avait cessé de battre subitement, et le monoplan descendait sur un lac immense dont on n'apercevait pas les limites. Il remonta cependant, mais quelques secondes plus tard, il cala de nouveau et l'aéros s'abattit sur les eaux. L'amérissage, si l'on peut s'exprimer ainsi en parlant d'un lac, eut lieu sans encombre. Monsieur Voirin, qui avait pris le volant, avait dirigé son appareil de façon à ce qu'il vînt effleurer l'eau au lieu d'y plonger. Nos amis se trouvaient maintenant sur le lac des esclaves, à l'endroit où le Mackenzie se dirige vers le nord. Ce lac, dont les voyageurs ont souvent parlé, est immense. Il n'a pas moins de 500 kilomètres, et sa largeur très variable est d'une centaine de kilomètres aux endroits où il écarte le plus ses rives. En l'absence de toute mesure précise, on ne saurait en évaluer la superficie, mais elle n'est pas inférieure à 25 000 kilomètres carrés, soit à peu près 50 fois la surface du Léman. Une partie de l'immense bassin, à demi comblé par les alluvions des rivières affluentes, est peu profonde. La région occidentale du lac, où débouche la grande rivière des esclaves, la rivière aux bœufs, la rivière aux foins, est d'aspect louche, et les arbres, les herbes, apportées pendant les crues, forment de vastes radeaux qui se transforment en îles flottantes. La nappe orientale, plus creuse, bordée de falaises ou de berges rapides, est aussi plus claire. On dit que la sonde y descend à 200 mètres de profondeur. C'est aussi la partie orientale du lac qui se ramifie le plus en golfe à goulets étroits et qui a valu au bassin tout entier son nom indigène de Tutué ou lac des Keynes. Une presqu'île aiguë, la Flèche, sépare les deux golfes orientaux et se termine par un cap de serpentine noire dit la Roche aux Pipes, parce que les Indiens couteaux jaunes en tirent la pierre qui leur sert à la fabrication des calumets. Des serpentines et des granites dominent les eaux en tours et en terrasses, atteignant 250 mètres en quelques promontoires. Des îles rocheuses qui continuent la Flèche s'alignent en une longue traînée. Chacun des golfes qui se ramifient autour du grand lac des esclaves a ses affluents, sortis eux-mêmes d'autres lacs. La longue branche du nord reçoit les eaux issues des lacs du Brochet, de la Martre et de Grandin. La baie Christie, ou le fond du lac, au sud-est, a des tributaires moins considérables, tandis qu'au nord-est, la baie MacLeod, autre fond du lac, est le réservoir où se déverse, par la queue de l'eau, tout un vaste chapelet de lacs étendus, Aylmer, Clinton Colden, Artillery, d'autres encore. À une vingtaine de kilomètres en amont de son embouchure, la queue de l'eau plonge d'une grande hauteur en une puissante cascade, à laquelle Bach attribue de 120 à 150 mètres de chute et dont le courant est tellement resserré que l'on croirait presque pouvoir le franchir d'un bond. Les vapeurs s'élèvent en nuages à des centaines de mètres au-dessus de l'abîme. La beauté de la cascade provient surtout, pendant 8 mois de l'année, des pendentifs de glace qui frangent les corniches et qui s'épanchent des cavernes et des anfractuosités de la paroi. Des mousses et des rouilles leur donnent une variété infinie de couleurs. De là le merveilleux effet du spectacle, auquel on ne saurait comparer celui-même du Niagara. La chute de la queue reçut de Bach le nom de Parry Falls. Un autre affluent du grand lac des esclaves, Hay River, ou la rivière au foin, qui se déverse dans le lac près de son extrémité occidentale, est aussi l'un des cours d'eau où de rares voyageurs ont admiré des cascades plus belles que le Niagara. Le grand lac des esclaves, dont les eaux septentrionales sont déjà sous le 63e degré de latitude, forme avec la queue de l'eau et ses lacs tributaires une ligne de séparation entre les climats. À la sortie, par le golfe du Nord-Ouest, le Mackenzie pénètre dans sa vallée boréale. Très large d'abord, s'étalant de vastes bassins presque sans courant, il semble n'être qu'un golfe du grand lac des esclaves, puis il se resserre et son flot bourbeux descend rapidement de méandre en méandre. Un large affluent lui vient du sud dans cette partie de son cours, c'est la rivière Olliards, ainsi nommée des Liards ou peupliers qui en ombragent les bords. Comme la rivière de la paix, celle des Liards naît sur le versant occidental des montagnes rocheuses. Elle recueille les eaux du lac Dease et d'autres bassins alimentés par les neiges et s'échappe par une brèche des montagnes suivant une pente très inclinée. Les Indiens l'appellent le courant fort. En aval du confluent, la rivière est presque partout large de 2 km au moins, mais en beaucoup d'endroits, surtout en amont des passages de montagne, elle écarte ses rives jusqu'à 7 et 8 km. Des terrasses latérales s'élevant à diverses hauteurs et même à 100 mètres au-dessus de la nappe du courant témoignent de l'énorme masse d'eau qui s'écoula par ce lit fluvial dans une période géologique antérieure. Quelques rapides précipitent le flot, mais un seul, le Sanseau, offre du danger sur l'une des rives. Plus bas vient un autre rapide, celui des remparts, ainsi nommé des parois riveraines, hautes de 25 à 45 mètres, qui longent le fleuve sur une quinzaine de kilomètres et au pied duquel les eaux atteignent 75 mètres de puissance. D'autres remparts se succèdent en aval, non loin du lac des Fourches, où le fleuve se ramifie pour former les branches de son delta. Les trois grands lacs du bassin de l'Athabasca-Mackenzie sont également situés à l'est du fleuve. Le premier n'est guère qu'effleuré par le courant fluvial. Le deuxième est franchement traversé dans sa partie occidentale, tandis que le troisième, le grand lac des Ours, reste séparé du Mackenzie par un isthme de 100 km.